avec sa textile extra-batte. Elle est pas une trompette, les lunes de jeu qui rappellent. Jusqu'aux Carpates, on a les simples merveilles. Pour que tu abandonnes enfin cet interminable état de veille. Pour que tu puisses en rire d'ici quelques semaines. En jetant des symboles plus que Xanax à la corbeille. Soldiers on the front line.